Parce que c'est le tempo. Oh, 80. Assez bona, bona quella. Assez bona. Assez bona. La pecona, la pelelicona. Il y a combien de mesures? Combien de mesures là? Assez, assez bonanga, assez bona, umande latina, la pecona, la pelelicona. 22. C'est bizarre ça. Assez bona, umande latina, la pecona, la pelelicona. Assez. Je prends pas la basse, je prends une guitare.